ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم aujourd'hui on va parler de la foi en les livres que Allah سبحانه وتعالى a révélé الإيمان بالكتب. C'est le troisième point dont on discute dans ce livre. On a vu le tawhid, c'est-à-dire le premier pilier de la foi qui est al-iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, la semaine passée, on a vu al-iman bil malaika, la foi en les anges. Aujourd'hui, on est arrivé au point où le chef discute de al-iman bil kutub, c'est-à-dire la foi en les livres révélés. Donc, le cheikh dit, الإيمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيمان وأركانه، والإيمان بها هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم. نؤمن بما سمى الله منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وما لم يسم منها. فإن لله كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه. Donc, le cheikh dit que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, c'est un des piliers de la foi et un de ses fondements aussi. Et qu'il dit ensuite que la foi en ces livres, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de croire que c'est la vérité, avec conviction et de savoir que c'est yani, la vérité, donc haqqun wa sidq, c'est-à-dire une vérité et une réalité. Et le cheikh il dit, il faut croire que c'est la parole d'Allah, que les révélations qu'Allah a fait à l'être aux humains, c'est sa parole. Et il y a dans cette parole-là une guidance et une lumière et tout ce qui est suffisant pour ceux à qui ces livres-là a été révélé. Il y a tout ce qui est nécessaire pour eux. Après, le chef il dit, ouais, on doit croire en ce que Allah a mentionné, comme il a mentionné de ses livres, c'est-à-dire il y en a parmi les livres qu'il a mentionné, c'est-à-dire par leur nom, en donnant comme exemple la Torah qui a été révélée à Moïse, à l'Injil, qui a été révélé à Isa alayhi salam, et à Zabour, qui a été révélé à David, le père de Suleyman, et à l'Injil, et à Al-Qur'an, bien entendu, qui est la dernière révélation que Allah a donnée à l'humanité. Donc, il faut croire en ces livres-là, qui sont ceux que Allah a mentionnés dans le Qur'an, et il faut aussi croire aux livres qu'il n'a pas mentionnés. C'est-à-dire, il y a certains livres qu'il n'a pas mentionnés, mais on y croit, on sait qu'ils ont été révélés, même si on n'en a pas connaissance. Parce que le cheikh dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a des livres que seul lui connaît. Après, le cheikh dit, « Wa inzalu al-kutub min rahmatillahi bi'ibadihi lihajati al-bashariyati ilayha, li'anna aqlu al-insan mahdoud, wa la yudriku tafasil al-naf'i wal-dharar. وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا والعقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء فلو وكلت البشرية إلى عقلها القاصرة لضلت وتاهت. Donc le cheikh il dit que la révélation de ces livres là, c'est une miséricorde pour l'humanité et c'est une miséricorde pour ses serviteurs. Et toute l'humanité en a besoin. Parce que, bien entendu, l'être humain, il a une raison, et par sa raison, l'être humain est capable, d'une façon générale, de connaître ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. D'accord? Ça, c'est de façon générale. Toutefois, l'être humain, il est toujours victime de ses désirs et de ses intérêts et de ses passions. Donc, à cause de ces raisons-là, et aussi du fait que yani, sa raison est limitée aussi, il n'est pas capable de connaître tout ce qui est bien et mal dans tous ses détails. Il peut arriver à le connaître d'une façon générale, mais dans plusieurs points qui sont plus spécifiques, s'il se réfère uniquement à sa raison, il va s'égarer. Hein? Donc, c'est ce que le chef veut expliquer. Après, il dit « فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُنَزِّلْ هَذِهِ الْكُتُبْ عَلَى الْمُصْطَفِينَ مِنْ رُسُلِهِ لِيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكُتُبْ وَمَا تَتَضَمَّنُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ الْعَادِلَةِ وَوَصَايَاهُ النَّافِعَةِ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ الْكَفِيلَةِ بإصلاح البشرية. Donc, il dit que ça faisait partie de la sagesse divine, c'est-à-dire la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde, qu'Allah a fait descendre ses livres sur ceux qu'il a choisis parmi les messagers, pour qu'ils puissent expliquer aux hommes ce que ces livres-là signifient. Et pour leur expliquer aussi qu'est-ce que ces livres-là contiennent de règles justes, de justice, et aussi de commandements qui sont bénéfiques et d'ordres et d'interdictions qui sont là pour réformer ou purifier l'humanité. Ensuite, le cheikh dit قال تعالى حين أهبط آدم أهبط آدم أبا البشرية من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc, le cheikh il mentionne une ayah et il dit, il mentionne deux versets et puis il dit, Allah a dit lorsqu'il a fait descendre Adam du paradis, il a dit au père de l'humanité, lorsqu'il a fait sortir du paradis, chaque fois que vous viendra une guidance, soit un messager ou un livre, alors ceux d'entre vous qui vont, ou celui d'entre vous qui va suivre ma guidance, alors il n'aura nulle crainte et il ne sera pas non plus affligé ou attristé. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc c'est comme s'il donnait l'annonce qu'il allait à travers le temps envoyer différents messagers pour guider l'humanité avec des guidances, avec une certaine guidance. Et dans un autre verset il dit « Oh fils d'Adam, si un de mes messagers choisi parmi vous vient vous exposer mes versets et mes signes, alors celui d'entre vous qui craindra et qui va se réformer, alors il n'aura nulle crainte et il ne sera pas non plus affligé. » Donc c'est des versets qui expliquent que il y aura des messagers à travers l'histoire, et en fait c'est ça qui est arrivé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'histoire, il a toujours envoyé des messagers. Quand les gens commençaient à oublier le message d'un de ces messagers, il en envoyait un autre pour ramener les gens au message que les gens avaient oublié. D'accord? Et c'était comme ça à travers le temps. Donc le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ انْقَسَمَ النَّاسُ حِيَالَ الْكُتُبِ السَّمَوِيَّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Les gens se sont divisés en trois groupes. ou en trois catégories par rapport aux livres qui sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. قسم كذب بها كلها وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة. Donc le premier groupe c'est ceux qui ont nié ou qui ont rejeté tous les livres, et ce sont les ennemis des messagers et les mécréants et les kuffars et les mushrikins, les idolâtres et al-falasifa, c'est-à-dire les philosophes. Donc ce sont ceux qui ont ça c'est la première catégorie, celle qui a nié tout ce qui est révélé au complet. Ensuite le cheikh dit وقسم آمن بها كلها وهم المؤمنون الذين آمنوا بجميع الرسل وما أنزل إليهم كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc il mentionne la deuxième catégorie, c'est celles qui ont cru en tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les croyants, ceux qui ont cru en tous les messagers qu'Allah a envoyés et qui ont cru à tous les livres que ces messagers-là ont apportés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le messager a cru en ce qu'Allah lui a révélé, ou ce qui a été révélé sur lui de son Seigneur, ainsi que les croyants, ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ensuite, le cheikh il mentionne la troisième catégorie. وَقِسْمٌ آمَنَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَكَفَرَ بِبَعْضِهَا وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ بل هؤلاء يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعضه كما قال تعالى فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Donc le cheikh il dit, وعليكم السلام ورحمة الله, que la troisième catégorie par rapport à la position des êtres humains vis-à-vis de la révélation des livres, c'est la catégorie de ceux qui ont cru en certains livres et qui ont rejeté le reste, comme les juifs et les chrétiens et ceux qui les ont suivis dans cette voie. C'est-à-dire, Allah, ensuite il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il cite la parole de ces gens-là qui disent « Nous croyons en ce qui a été révélé à nous, c'est-à-dire en notre révélation, c'est-à-dire la Torah et qu'est-ce qui a été révélé par nos prophètes, mais on rejette le reste, malgré que c'est la vérité qui vient confirmer ce qui est avec eux, c'est-à-dire le Coran. Donc eux, ils disent, on croit en ce qui a été révélé à nous et on rejette le Coran, même si le Coran vient confirmer en réalité la vérité qu'ils possèdent déjà eux aussi. Et en réalité, le cheikh il dit même que ceux-là, en fait, ils font la même chose même avec leurs propres livres, c'est-à-dire ils croient en une partie de leurs livres alors qu'ils rejettent le reste. Hein? Donc ils ne croient pas en tout ce qui est révélé dans leurs livres, ils croient uniquement à une partie de ce qui est dans leurs livres, et ce qui ne leur fait pas plaisir, ils le rejettent. Donc c'est un verset que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quand il dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez le reste, il dit, et la récompense de ceux qui font ça parmi vous sera uniquement l'ignominie dans cette vie d'ici-bas. Et au jugement dernier, ils seront retournés à un plus dur châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas indifférent de ce que vous faites. Donc, ça c'est clair et ça nous explique un peu leur position vis-à-vis des livres. De leur propre livre et aussi à propos du Coran, étant donné qu'ils ne croient pas au Coran. Le cheikh dit, ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل لأن الإيمان لا بد أن يكون مؤتلفا جامعا ولا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف والله تعالى ذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب كما قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que la foi en une partie des livres et le rejet du reste des livres, c'est comme le rejet de tous les livres en entier. Hein? Pas croire en une partie et rejeter le reste. En réalité, si tu fais ça, c'est comme si tu rejettes le tout. Parce que tous les livres viennent avec le même message de base. Et une partie vient pour confirmer l'autre. Donc si tu rejettes une partie, c'est comme si tu rejettes tout en entier. Donc le chef il dit, car il est obligatoire de croire en tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et tous les messagers. Et il dit pourquoi? Parce que la foi est quelque chose qui vient pour unifier et qui est un tout. Et on ne peut pas le diviser, ni le séparer, ni être en désaccord à son sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les gens qui se sont divisés au sujet du livre en disant, et ceux qui se sont divisés au sujet du livre sont dans une division, ou sont dans une confusion éloignée, ou ils sont divisés d'une façon profonde, même. Exactement. Donc, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Donc c'est un verset qui dit, et ceux qui veulent, et ceux qui mécroient en Allah et en son messager, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui veulent dire, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, et nous rejetons certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie entre ces deux chemins-là, il dit, Allah SWT dit, voilà les vrais mécréants. Oulaika hum al-kafiruna haqqa. C'est-à-dire que ce sont eux les vrais mécréants. Les messagers viennent avec les livres, et puis tu ne peux pas croire en une partie et rejeter le reste, ou croire en certains livres et refuser de croire en d'autres. Non. Ah oui. Non. C'est vrai. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ouais. Non, mais j'ai pas compris la dernière partie de ce que tu dis de Cheikh Al-Albani. Effectivement, pareil. Il ne faut pas faire le takfir. Ok, ouais, ok. Ouais. Ouais. Non. Ah, ça c'est grave. Mais Cheikh Al-Albani, quand il a dit de faire attention, de prendre garde ou de pas faire le takfir, ça veut pas dire que le Cheikh, il dit que quelqu'un peut pas tomber dans le coffre. Ou que quelqu'un peut pas faire un acte ou dire une parole, ou faire quelque chose qui le fait tomber dans la mécréance. C'est pas ça que le cheikh a dit. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il veut prévenir les gens contre? C'est-à-dire, il veut prévenir les gens contre le fait de déclarer quelqu'un d'être non-musulman sans preuve, sans référence. Et puis de prendre ça comme une sorte d'habitude et de jeu. Comme beaucoup de gens, là, c'est ce qu'ils font. Ils se promènent là, et puis la seule occupation qu'ils ont, c'est de dire lui il n'est pas musulman, lui il n'est pas musulman, lui il est kafir, hada kafir. Donc, subhanallah, et de faire ça de cette façon-là, c'est pas l'islam d'agir de cette façon-là, c'est pas une manière qui a été enseignée par l'islam, tu comprends? C'est sûr qu'il y a des gens qui disent des paroles qui les font tomber dans le coffre, mais il y a parfois des choses qui nous empêchent de déclarer cette personne-là comme étant un mécréant, c'est-à-dire si la personne elle est ignorante, ou si la personne est un shubha, il y a beaucoup de raisons aussi qui fait que même si une personne prononce une parole qui est courte, on ne peut pas dire automatiquement qu'elle est kafir. Et le takfir, c'est quelque chose qui retourne aux ulama. Oui, ça retourne, c'est quelque chose qui retourne aux ulama de l'islam. Et c'est eux qui décident pour le jugement en ce qui concerne le takfir ou non. Parce que eux, ils connaissent al-mawani', et al-ahkam, al-shurut. Eux, ils connaissent bien les règles, les conditions, les choses qui peuvent empêcher qu'une personne quitte l'islam ou non. Donc, il faut se référer à eux et leur demander dans des cas de jugement de ce genre. Et c'est ça que le Cheikh Al-Albani, lui, il a voulu prévenir. Et, mais il n'a pas nié que quelqu'un peut quitter l'islam s'il fait un acte ou une parole de kufr et que c'est établi contre lui avec, avec toutes les preuves et les évidences. Donc, Allahu A'lam. Hamza, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, parce que juste de dire à quelqu'un, tu lui... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas bien. Mais ça là, ça je vais t'expliquer. Par exemple, cette femme-là, elle a son c'est son travail de faire ça, n'est-ce pas? Bon, elle a un salaire pour ça, elle est payée pour faire ça. Bon, ça, qu'est-ce qu'elle fait? C'est clair que c'est haram. Et qu'elle a pas, qu'elle interdit aux gens de faire quelque chose que Allah a ordonné. Ça, c'est sûr que c'est haram. Toutefois, on peut pas dire qu'elle n'est pas musulmane. On peut pas la déclarer comme étant une kafir. Pourquoi? Parce que cette femme-là, je suis convaincu que c'est une ignorante. Elle sait rien de l'islam. Sûrement, elle sait rien de l'islam. Elle a peut-être étudié à l'école, mais le seul que, tout ce qu'elle sait là de l'islam, c'est une compréhension limitée. Et il faut pas oublier que dans ton pays, là, en Tunisie, il y a un mufti, là, ou je sais pas quoi, qui donne des fatwas dans là. Et elle, si elle se réfère, tu vois, si elle entend ce mufti, là, qui lui dit, oui, qu'est-ce que tu fais, c'est correct, et elle se base là-dessus, elle va penser que c'est vrai, ce qu'il dit. Et donc, étant donné que dans la société, il y a tellement d'ignorance, toi, de venir lui dire, toi, tu es une casse, là, ça, c'est, si quelqu'un fait ça, il va créer plus de désordre, il va créer du désordre. Tout ce que la personne doit faire avec une femme de sens dans cette situation-là, c'est essayer de lui donner la connaissance, c'est-à-dire de lui donner les livres, de lui donner les cassettes, de lui faire essayer lentement, doucement, avec sagesse, avec patience, de lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est contraire à l'islam. Et elle force les filles d'enlever leur voile à l'école, dans les choses. Tu vois? Donc, c'est comme quelqu'un qui est policier, puis qu'il fait quelque chose, il fait quelque chose qui est interdit parce que son supérieur lui a dit de le faire. Ou quelqu'un qui est engagé dans un dépanneur et qu'on le force à vendre de l'alcool ou des cigarettes. Hein? Est-ce que tu vas lui dire, ah ben lui, parce qu'il vend de l'alcool et des cigarettes, il est cancer? Non. Parce que lui, peut-être que dans son cas, il croit que c'est haram la cigarette. Il croit que c'est haram l'alcool. Si tu lui demandes, est-ce que l'alcool c'est pas haram dans l'islam? Il va te dire, oui, c'est haram dans l'islam. Et là, tu lui dis, mais pourquoi tu le vends? Ça m'est arrivé. Dernièrement, là, je suis allé voir un musulman qui vendait de l'alcool. Il m'a dit, ah, tu sais que l'alcool c'est haram. Il m'a dit, je sais que c'est haram. Et je demande à Allah qu'il m'aide à laisser tomber cette chose-là. Il me dit, j'ai pris le permis pour le magasin, là. Et j'avais le permis d'alcool avec, donc j'étais pris avec ça, et puis là maintenant je commence à réaliser que c'est grave, je vais inch'Allah laisser tomber ça, tu vois. Mais si quelqu'un allait juste le juger là comme ça, dire « Ah, lui c'est un kafir, il vante l'alcool », mais non, tu ne peux pas te baser juste par le fait qu'il fait le péché, tu ne peux pas utiliser ça comme une preuve qu'il est kafir ou qu'il le rend halal, pas du tout. Parce que lui, dans son cœur, il croit que c'est haram et il fait le péché, tu comprends? Donc c'est ça. Oui, je sais, mais... Oui, mais elle, elle... Oui, mais ça, là, justement, ça, c'est de l'union. Oui, mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est tout. C'est comme je te dis. Regarde, en Tunisie, là, en Tunisie, c'est pas elle seulement qui pense ça. C'est la grande... Oui, c'est tout le système qui est comme ça. Et c'est comme ça que les gens sont éduqués depuis l'enfance, là. Donc, tu peux pas, sinon tu vas déclarer toute la Tunisie, la majorité de la population, tu vas dire qu'ils sont des kuffars. Et ça, c'est haram, il y en a de faire ça, si tu vas dire ça. Hein, tu vois? Donc, il faut éviter de tomber dans des conclusions, là, rapides de ce genre-là, et puis de tomber dans le secteur. Ça, c'est réellement une grande fitna. Et c'est de ça que le Cheikh Al-Albani a voulu prévenir les gens, de ne pas tomber dans le secteur. Parce que après, c'est ça qui a poussé des gens, là, comme en Algérie, à aller mettre des bombes, aller tuer des policiers, aller tuer des gens, et puis après ça, à dire, ce sont des murtadoun, ce sont at-ta'ifatul mumtali'a, on a le droit de les tuer, même de prendre les femmes, et puis elles sont des esclaves, et faire une zina avec elles, et même voler l'argent des gens, parce que ce sont des apostats, et des murtadoun, et ils se sont établis eux-mêmes comme étant des hukam. Et comme s'ils ont le droit d'établir les houdouds, les punitions et tout, les règles. Comme si eux, là, ça y est, ils ont le droit d'appliquer le hukm d'Allah sur la terre. Mais personne ne leur a donné cette autorité-là. Ils l'ont pris par eux-mêmes et ça y est, ils pensent que ça y est, c'est légitime. C'est pour ça, ça, c'est la fitna sur l'arbre, c'est l'arbre. Parce que peut-être même après, ils commencent une jama'a comme ça, à cet endroit, après il y a un autre groupe, à l'autre partie qui commence à faire la même chose, et là, un autre groupe dans une autre ville, et là, chacun commence à établir des jugements. Ah, lui, il est kafir. L'autre groupe dit non, l'autre est kafir. Là, les deux groupes commencent à se déclarer des gens kafir comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé en Algérie, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. En Irak, maintenant, c'est ce qui se passe aussi. Il y a plein de groupes, et chaque groupe il dit à l'autre groupe, ah, eux, ils sont kuffars, eux, ils sont kuffars. Et là, ils disent, ok, toi, demain soir, tu vas aller faire un attentat, tu vas aller exploser ces gens-là. Il a donné l'autre et dit non, toi, tu vas aller faire exploser l'autre groupe. Donc, il y a des choses comme ça, ça se boucle. Donc, on s'est éloigné du sujet. Donc, on va revenir, Inch'Allah. Bismillah. Naam. Le Cheikh, il dit, وَسَبَبُ كُفْرِ مَنْ كَفَرَ بِالْكُتُبِ أَوْ كَفَرَ بِبَعْدِهَا أَوْ بِبَعْدِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ هُوَ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَالذُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وَزَعَمُوا أَنَّ لَهُمُ الْعَقْلِ والرأي والقياس العقلي ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة ويسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Donc le cheikh il explique qu'une des raisons pourquoi les gens qui ont mécru à la révélation, soit qu'ils ont mécru au livre en entier, ou qui ont mécru à une partie des livres, ou qui ont mécru à une partie du même livre, c'est-à-dire qui ont cru à un livre à moitié, c'est-à-dire ils ont cru en certaines choses et ils ont mécru en d'autres, et bien une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils ont suivi leur passion et qu'ils ont suivi leur pensée. Qui sont des pensées mensongères. Et c'est aussi à cause du fait qu'ils ont cru qu'ils ont des arguments rationnels qui viennent en contradiction avec la révélation. Donc lorsqu'ils ont établi ces analogies-là et ces arguments rationnels qui sont contraires, selon eux, qui sont contraires à la révélation, ils ont dit bon, alors on va pas appliquer ces versets-là et on va pas les y croire. On va se baser sur nos raisonnement personnel pour essayer de connaître la vérité et le mensonge. Donc, le cheikh il donne un exemple de ce qu'Allah a dit au sujet, lorsqu'il a blâmé les gens qui ont fait la distinction entre les messagers ou entre les livres. Comme il a dit, Allah il dit dans Oui, c'est ça. Il a mentionné que ces gens-là, ils se nomment comme étant des sages ou des philosophes. Et ils se moquent des messagers et de ceux qui les suivent. Ils se moquent d'eux, ils les prennent en risée. Et puis, ils les caractérisent ou ils les décrivent comme étant des gens faibles d'esprit. Hein. Ils parlent des croyants comme étant des gens faibles d'esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsque leurs messagers leur sont venus avec des preuves évidentes, eh bien, ils se sont exultés de ce qu'ils avaient de science. C'est-à-dire, ils sont devenus fiers, ils sont réjouis de ce qu'ils avaient de science en voulant dire, nous, on connaît d'autres sciences, donc on n'a pas besoin de votre prophète ou de son livre, hein. C'est l'attitude de ces gens-là, yani lorsque les messagers leur sont venus avec les preuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ. Ce dont ils se moquaient les enveloppèrent, hein. Et, en fait, c'est la réalité des gens qui ont rejeté la foi en Allah et aux messagers dans toutes les époques. C'est qu'ils se réfèrent toujours à certaines connaissances ou à certaines sciences qu'ils possèdent, et ils essaient de dire que ce qu'ils possèdent de science est supérieur à ce qui vient des messagers. Hein. Comme aujourd'hui, par exemple, en Occident, on peut voir que les scientifiques pensent que ce qu'ils possèdent de science est supérieur à la science qui vient des messagers et des prophètes. Parce que, par exemple, ils ont étudié la nature, ils ont étudié la chimie ou la physique, ou ils ont étudié les mathématiques, ou ils ont étudié la biologie, ou toute autre science naturelle de ce genre, et ils pensent que, en connaissant ces choses-là, eh ben, ils sont comme au-dessus de la révélation divine. Et que, donc, en ayant ces connaissances-là, ils n'ont plus besoin de Dieu, ils n'ont plus besoin de croire en un prophète, ou de croire en une révélation divine pour savoir ce qui est bien et mal. Ils peuvent uniquement, se baser sur les signes ou les choses qu'ils ont découvertes comme science dans l'univers, et que ça, c'est suffisant pour être bien et pour être heureux sur la terre. Toutefois, quand on observe réellement et on regarde comment ils agissent, comment ils vivent, on réalise qu'en réalité, ces sciences-là qu'ils ont développées, c'est pas les sciences qui amènent l'être humain au bonheur, c'est pas les sciences qui aident l'être humain à découvrir la guidance et la vérité. Parce que lorsqu'on on regarde, ce sont des sciences qui sont, ce sont des sciences qui ne guident pas l'être humain. Par exemple, tu peux être un docteur en physique ou en chimie et pas être capable d'avoir un jugement moral correct. On voit beaucoup, on peut voir par exemple une personne qui est par exemple chimiste ou je sais pas quoi moi, physicien ou autre. Et puis, quand tu le regardes dans sa vie personnelle ou dans ses actions, il fait beaucoup de choses qui sont contraires au bon sens ou à la raison, et même qui sont contraires à la morale. Comme par exemple le fait de, tu vois, tu vas rentrer dans un cabinet de médecin, un docteur, un médecin en médecine, et puis tu vois le médecin qui connaît les conséquences de la cigarette, et qui connaît ses effets néfastes sur la santé, et puis malgré tout, quand il sort de son bureau, il prend sa cigarette et il l'allume. Donc, le fait d'avoir, il a cette connaissance-là, mais cette connaissance-là, il ne peut pas le guider, hein, parce que en réalité, ça change rien pour lui, le fait qu'il y ait des effets néfastes ou non, c'est juste un choix personnel. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas d'autres conséquences que dans cette vie, ça finit après. Donc, il n'y a pas de fait que, par exemple, qu'est-ce qu'il fait, il va être jugé pour ça, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes au jugement dernier, et que lorsqu'il fait du bien, il est récompensé, et que s'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera au paradis. Pour ces gens-là, ça, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est la vie d'ici-bas. Et c'est pour ça qu'ils te permettent toujours de faire ce qu'ils veulent, et de suivre leur passion et leur désir, parce que ils disent, peu importe même qu'est-ce que je fais, après ma mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Et puis, j'aurai pas à rendre compte, et j'aurai rien d'autre je ne serai pas puni même si je fais quelque chose d'injuste ou de mal. Donc, pour eux, la balance est comme vraiment pas importante entre le bien et le mal. Et même s'ils sont capables d'avoir des jugements moraux, de distinguer d'une façon générale entre ce qui est mal et ce qui est bien, mais ils ne se sentent pas obligés de faire le bien. Ils ne se sentent pas interdits non plus de faire le mal. Parce que pour eux, à la fin, ça équivaut. De faire le bien ou le mal, à la fin, ça revient au même, puisque tout le monde est égaux, tout le monde s'en va à la même place et personne ne sera au-dessus d'une autre après la mort. Puisque pour eux, il n'y a rien du tout après. Donc, on voit que c'est de cette façon-là qu'on voit que ces gens-là, leur science ne les guide pas. Tandis que la science, au sujet d'Allah, par exemple, la science moderne, avec la science moderne, on peut fabriquer un arme, comme un missile, ou une bombe, ou un arme, un pistolet, ou bien un couteau, ou un arc, ou une flèche. Ça, c'est des choses qu'on peut fabriquer avec la science, avec la technologie, avec les moyens techniques qu'on possède. Sauf que, est-ce que, avec la science qu'on possède, avec cette science moderne-là, est-ce qu'on est capable de savoir la morale qui est de comment utiliser cette arme? Quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que c'est interdit? Quand est-ce que c'est bien? Quand est-ce que c'est mal? On n'est pas capable. C'est des sciences qui sont neutres, c'est-à-dire sont ni bien ni mal. Si on regarde l'arme en tant que telle, je ne veux pas dire qu'un pistolet c'est mal ou bien, mais c'est la façon dont tu vas l'utiliser qui va être mal ou bien. D'accord? Oui, bien entendu. Si c'est un musulman qui comprend l'islam et qui a de la connaissance, qui le tient cette arme, bien entendu c'est quelque chose qui, pour certains, va être un mal, mais si c'est un arme qui est entre les mains d'un de leurs semblables, c'est comme. Pour eux, c'est pas grave dans ce cas-là. Mais bien entendu, il y a la justice et il y a l'injustice. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a les gens qui défendent la vérité et il y a les gens qui défendent le mensonge. Donc, d'utiliser la force dans le bien, dans certaines conditions, selon certaines règles, qu'Allah nous a expliqué, c'est un bien. Mais, dans une autre situation, de l'utiliser pour faire le mal, l'injustice, pour faire le désordre de la terre, et bien ça c'est quelque chose qu'Allah déteste. Et là, dans ce cas-là, ce serait un mal. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? أما الإيمان بالرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ولا يفرقون بينها. أما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله لا يفرقون بينها. En ce qui concerne les messagers, en ce qui concerne ceux qui ont suivi les messagers par rapport aux autres là qu'on a mentionné avant, eh bien, eux, ils croient en tous les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne font aucune distinction entre ces livres. والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بها بالقلب واللسان. أما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة. والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Donc ça c'est un point important dans lequel le cheikh il explique la distinction entre la foi en le Coran et la foi en les livres qui ont été révélés avant le Coran. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la foi en les livres qui ont été révélés avant le Coran, on doit y croire d'une façon générale. Et ça, c'est-à-dire qu'on y croit c'est-à-dire on y croit dans notre cœur et on affirme avec notre langue qu'on y croit. Et ça se limite à ça. C'est-à-dire on y croit dans notre cœur et on l'affirme avec la bouche qu'on croit en ces révélations-là, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire on n'est pas obligé de les appliquer et de les suivre. C'est des révélations qui ont été abrogées par le Coran. Et il y a plusieurs preuves de ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Donc, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous t'avons révélé, nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, c'est-à-dire le Coran, et qui vient confirmer ce qui a été révélé avant lui de livre, et pour avoir le dessus sur ce livre-là. Wa muhaymunan alayhi, c'est dans Surat al-Ma'ida, le verset 48. Il n'est pas écrit dans le livre. Mais moi je l'ai rajouté parce que c'est un verset qui est important. Savoir que dans Surat al-Ma'ida, c'est le chapitre 5, c'est verset 48. Wa muhaymunan alayhi, c'est-à-dire pour qu'il ait le dessus sur les livres qui ont été révélés avant. Ok? Donc, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Donc, on y croit dans le cœur et avec la langue. C'est-à-dire, on affirme. أَمَّا الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إِيمَانٌ مُفَصَّلٌ. En ce qui concerne la foi au livre, au Coran, eh bien là, c'est une foi plus spécifique et plus détaillée. C'est-à-dire qu'on doit y croire avec notre cœur, croire que c'est la vérité, etc. Et ensuite, on doit l'affirmer par la langue, c'est-à-dire affirmer qu'on y croit en ce livre, et troisièmement, on doit l'appliquer, mettre en application et juger selon cette révélation-là. Contrairement aux livres qui sont révélés précédemment, le Coran et la Torah ou l'Injil, ces livres-là, les livres, on y croit, mais on n'est pas obligé de s'y soumettre. Et le chef il dit ensuite, on doit juger selon ce livre, dans toute chose, que ce soit des grandes ou des petites choses, et on doit croire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été descendue et qui n'est pas créée, et que c'est de lui qu'elle vient et c'est à lui qu'elle va retourner. Et ensuite, le cheikh, il y a une chose qu'il n'a pas mentionné, mais qui est importante de mentionner, comme on a expliqué que c'est les livres qui ont été abrogés par le Coran, mais aussi c'est que ce sont des livres, les livres qui sont révélés avant le Coran, comme la Torah ou l'Injil, sont des livres qui ont été falsifiés. C'est des livres qui ont été falsifiés et changés par les gens de ces religions-là. Les chrétiens et les juifs ont changé leurs livres. Ils ne les ont pas gardés dans l'état comme ils étaient révélés à leurs prophètes. Donc, aujourd'hui, la vraie Torah de Moussa, telle qu'il l'a reçue, elle n'existe plus. Et le vrai Injil que Isa a reçu, elle n'existe plus. C'est pour ça que, en même temps, même si elle existait aujourd'hui, on doit pas les appliquer puisque le Coran est venu les abroger. Mais même si elle on peut pas les appliquer parce que le Coran est venu pour les abroger. C'est-à-dire pour venir les compléter et puis c'est-à-dire on doit plus les suivre, on doit suivre uniquement le Coran. Ensuite, ils ont été falsifiés par les gens de ces religions-là. Mais même s'ils n'avaient pas été falsifiés, on ne pouvait pas les suivre non plus. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et un exemple de ça, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avec des pages de la Bible dans ses mains. Et il lui a dit, « Ya Omar, si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. » C'est-à-dire, si Moussa était vivant durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu d'autre choix que de se soumettre à la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est sa période. C'est son temps à lui, c'est lui le dernier des messagers, et sa révélation vient abroger tout celle qui était là avant. Donc, on doit pas prendre les livres qui sont là précédemment comme étant des références sur lesquelles on peut se baser pour connaître ou pratiquer la religion. Non. Mais j'allais venir justement à ça. C'est que, oui, attends, je vais te mentionner quelque chose, après tu pourras me rajouter ton commentaire. Il y a justement les témoins de Jéhovah parmi les chrétiens, il y en a peut-être d'autres groupes aussi chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient des musulmans et ils viennent leur voir et puis ils leur disent, regardez, dans votre Coran, c'est écrit que on doit croire à la Torah et à l'Injil. À la Torah et à l'Évangile. Donc, vous devez suivre nos livres. Hein? Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué qu'on doit croire en ces livres-là, comme on a dit, avec le cœur et avec la langue. C'est-à-dire, ça s'arrête à ça. Ok? Et qu'ils sont falsifiés. D'accord? Donc, c'est pas le Torah que eux, ils ont dans leurs mains, là. Même s'ils t'amènent un livre, là, c'est écrit, la Bible, l'Évangile et la Torah dessus, c'est pas la vraie. Donc, même si s'ils te disent ça, toi, tu vas leur dire, oui, ok. C'est vrai que nous, on doit croire en Torah, à Torah ou à l'Injil, sauf que la Torah et l'Injil que vous avez, vous, ce n'est pas l'authentique qui a été révélé à Moussa et à Isa. Ça a été falsifié par la suite. Et même qu'ils vont venir même avec certains versets dans le Coran. Par exemple, j'en ai vu parmi les témoins du roi, il y en a un qui m'a mentionné un verset dans Surat al-Ma'ida. Je ne me souviens plus exactement le verset, mais ça disait قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. C'est un verset dans Surat al-Ma'idah qui dit: oh gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'avez pas mis en pratique ou appliqué la Torah et l'Injil. Okay? Et puis lorsqu'ils ont dit ce verset, lorsqu'ils m'ont récité ce verset, ça m'a fait rire parce que ils n'ont pas complété qu'est-ce qui vient par la suite. Et puis, si tu lis la suite, tu vois qu'en réalité, c'est une réputation des chrétiens et des juifs. Ça vient en réalité pour leur dire qu'ils sont des gens qui ne suivent pas la vérité. Donc, le verset au complet, qu'est-ce que ça dit? Ça dit: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Le verset au complet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire: oh les gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'avez pas appliqué ou implémenté la Torah et l'Injil, et ce qui a été révélé de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Donc eux, ils ont arrêté à Torah ou à l'Injil. Si tu continues après, Allah mentionne juste après qu'ils doivent aussi appliquer le Coran, c'est-à-dire ils doivent croire au Coran. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Et ensuite, la partie qui suit, c'est-à-dire: وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. C'est-à-dire, ce que Allah t'a révélé va faire augmenter beaucoup d'entre eux en mécréance et en rébellion. Donc, yani, subhanallah, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux vont tomber en mécréance et en rébellion à cause de ce qu'Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ne te tourmente donc pas pour les peuples mécréants. Donc, yani, c'est clair que ce n'est pas une preuve pour dire aux musulmans qu'ils doivent croire, c'est pas une preuve pour dire aux musulmans qu'ils doivent suivre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans la Torah ou dans l'Injil que les chrétiens possèdent aujourd'hui. En fait, c'est plutôt pour dire aux chrétiens et aux juifs: croyez au Coran et suivez qu'est-ce qui est révélé dedans. Et comme on a dit tout à l'heure, le verset: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. C'est-à-dire, yani, que le Coran, il est venu pour prendre le dessus sur les autres révélations qui sont venues avant. Donc, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui: je vais suivre la Torah, l'Injil. Il doit se limiter au Coran. Non. Non. Ouais, c'est ça. Les ulama, ils ont dit que c'est pas permis pour les musulmans de lire la Bible. De lire la Bible, les livres que les chrétiens possèdent aujourd'hui, c'est pas permis pour les musulmans. Même pour lui montrer. Si tu veux lui montrer, tu lui montres à partir du Coran. C'est-à-dire, tu lui donnes les arguments que Allah a révélés dans le Coran et dans la Sunna, et tu l'appelles au tawhid, et tu étudies le tawhid, et tu l'appelles au tawhid avec les arguments du tawhid. C'est-à-dire, quand tu lui expliques, par exemple, que la ilaha illallah, tu lui donnes les arguments de la ilaha illallah, tu veux lui donner les arguments que Isa c'est pas Ibn Allah, il y a plein d'arguments dans le Coran. Par exemple, Allah SWT dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. L'exemple de Isa pour Allah c'est comme l'exemple d'Adam. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ulama qui ont critiqué la méthode d'Ahmadinejad et qui ont dit que c'est pas la bonne méthode, mais c'est permis de lire la Bible pour une personne qui est pour un savant dans l'islam ou quelqu'un qui a déjà une base dans l'aqida, qui a une base dans la croyance islamique, qui a une base dans les fondements de l'islam, parce que lui il va pas être mélangé. Si il lit quelque chose dans la Bible qui est un peu mélangeant ou qui est tordu, eh ben il va pas être confus parce qu'il a déjà une compréhension ferme de la foi et de la croyance islamique et des fondements du tawhid. Donc lui quand il va lire ça, il va savoir comment le comprendre, comment l'utiliser. Mais une personne là qui a pas encore compris les bases de l'islam et les fondements du tawhid, il va commencer à lire la Torah ou l'Injil ou le livre de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il va voir toutes sortes de contradictions, toutes sortes de choses, et là il va être confus, il ne saura pas comment l'utiliser. Donc ça c'est un danger parce qu'il risque de s'égarer, il risque de prendre des idées dans ces livres-là qui sont contraires à l'islam. Alors puisqu'il a, s'il n'a pas de connaissances de base, il ne doit jamais lire le livre des Juifs et des Chrétiens. C'est la même chose pour les autres livres, des autres religions ou des autres philosophies. Yani, tu vas pas aller lire les livres des gens de Bédara, comme par exemple Shia ou Soufia ou d'autres, ou bien lire les livres des philosophes qui ont plein de doutes ou des choses, à moins que tu aies déjà atteint une bonne base dans la foi islamique et que là tu es capable de réfuter ces doutes-là avec le Coran et la Sunna. D'accord? Mais là, le problème, c'est que Ahmadinejad, lui, il appelle tout le monde à lire la Bible et à commencer à étudier les erreurs de la Bible et les erreurs du christianisme et tout ça, en se basant sur la Bible. Et la plupart des musulmans qui écoutent ça ou qui lisent ça, ils n'ont pas encore une connaissance du tawhid qui est assez solide pour leur permettre de rentrer dans ce sujet-là ou dans ce domaine-là. Et pas ça seulement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de convertis là, et quand ils rentrent dans l'islam, ils continuent à se baser sur la Bible pour faire le da'wa aux chrétiens, et ils n'ont même pas encore commencé même à étudier le Coran. Ils connaissent même pas encore l'arabe, même pas encore les bases du tawhid, et là ils sont des professionnels dans la Bible. Et j'en ai rencontré des frères en Haïti, qui s'étaient convertis à l'islam, et tu les voyais marcher avec leur Bible, et puis commencer à parler avec les pasteurs, et tout ça, mais, subhanallah, c'est comme si la façon qu'il argumentait avec les chrétiens, c'est comme, on dirait qu'il était un chrétien lui-même, parce qu'il se basait, oh, mais Dieu dit dans verset tel, dans tel chapitre et tout, et là, tu dis, mais subhanallah, est-ce qu'il appelle à l'islam, ou il appelle à une secte chrétienne, ou à un autre groupe, hein? Donc, et ce frère-là, il connaissait pas encore le tawhid, donc quand il commence à dire des choses qui sont, lire un certain passage dans la Bible, il commence à dire des choses qui sont contraires à l'islam, et il le sait même pas parce qu'il n'a pas encore étudié le Coran et le Hadith. Donc, il faut toujours commencer par étudier le Coran, étudier la Sunna, étudier le tawhid comme il faut. Et là, après, c'est là que quelqu'un qui est prêt, le mieux c'est de demander à un cheikh, demander à quelqu'un qui est vraiment fort dans l'islam, de nous passer, faire passer un examen, peut-être, ou un test dans pour établir notre aqida, notre niveau, ou pour être capable de juger est-ce que nous on est prêt ou non, parce que par nous-mêmes on peut pas. Il faut vraiment retourner voir quelqu'un qui est bien établi dans sa croyance islamique pour essayer de nous dire est-ce que quelqu'un est assez fort pour aller dans ce sujet-là ou non. Non. Non. Ah oui, c'est ça qu'il a mentionné justement. Le cheikh il dit وَقَدْ اِقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ الْكُتُبَ السَّابِقَةِ لِأَجَالْ مُعِيَّنَةً والأوقات محددة ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, alors le cheikh, il dit que, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, implique que, ou bien, Allah par sa sagesse, il a fait que ses livres précédents soient pour une durée, de temps spécifique. Et qu'elles soient pour, des peuples spécifiques. Pas pour toute l'humanité et pas pour, toutes les époques. Et elle a été, et Allah a donné la responsabilité de préserver ces révélations précédentes-là à des savants parmi les hommes. Et c'était à eux de le préserver. Après, il mentionne un verset dans lequel Allah dit, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur ta base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ça c'est ce que le verset que le cheikh a mentionné. Donc c'est eux les rabbins et les docteurs, c'est eux qui avaient la charge de préserver le livre, d'accord? Contrairement au Coran. Et c'est ça que le cheikh va mentionner ici. Il dit « Amma al-Qur'an faqad anzalahu Allahu li kulli al-ajyal » من الأمم في كل الأوطان وإلى يوم القيامة وتولى حفظه بنفسه لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour toutes les générations et tous les peuples et dans tous les concrets de la terre jusqu'au jugement dernier, et il l'a préservé par lui-même, contrairement aux livres des prophètes précédents, c'était eux les docteurs et les rabbins qui avaient la responsabilité de le préserver. Tandis que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette responsabilité-là sur lui-même. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, que nous avons fait descendre le zikr de le Coran, et nous en sommes le préserveur, le gardien, imam. Et pourquoi? C'est parce que le Coran, il n'arrête pas, le Coran, il va pas être arrêté excepté à la fin de la vie sur terre, lorsque tous les êtres humains seront, tant qu'il y aura des êtres humains sur terre, eh ben, il y aura un besoin pour le Coran, et donc le Coran doit être préservé jusqu'à la fin des temps. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il le préserve par lui-même. Donc Allah ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le Coran, en parlant du Coran, il a dit, la fausseté ne l'approche pas ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation d'un sage, et d'un digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le chef il dit, وَيَجِبُ تَحْكِيمُ هَذَا الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الْخِلَافَاتِ وَيَجِبُ رَدُّ جَمِيعِ النِّزَاعَاتِ إِلَيْهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ التَّحَاكُمُ إِلَى غَيْرِ كِتَابِهِ تَحَاكُمًا إِلَى الطَّاغُوتِ. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت فعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. Donc le cheikh il dit, et il est obligatoire de juger d'après le Coran dans toutes les disputes, dans toutes les discordes, et il est obligatoire de retourner tous les désaccords et les discordes au Coran et à la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que celui qui se base sur autre que la révélation pour juger, eh bien c'est comme s'il se réfère au Tahout. Et le Tahout, c'est bien entendu toute loi qui est contraire au Coran et à la Sunna, ou toute personne ou toute personne qui appelle les gens à l'obéir ou à l'adorer et à le suivre dans ce qui est contraire à la révélation d'Allah. Comme on avait déjà expliqué ce sujet-là plus tôt, dans d'autres cours précédents dans le Tawhid. Donc le Cheikh il donne un exemple du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qu'on a révélé sur toi, ou ce qu'on t'a révélé, et ce qu'on a fait descendre avant toi, avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent prendre pour juge le Tahout, alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de mécroire ou de rejeter. Enfin, c'est en le Tahout qu'on leur a demandé de rejeter ou de ne pas croire. Et le Cheikh il dit que le mot Tahout en arabe, ça vient de la transgression ou de dépasser la limite, de dépasser sa limite. C'est comme par exemple une rivière, quand elle déborde, on dit qu'elle a fait l'acte de Tourian, yani, elle a tara. Allah il utilise ça dans un verset même dans le Coran. فَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. À propos de l'arche de Noé, Allah il dit dans Sourate Al-Haqqa, il dit, et lorsque l'eau a débordé, transgressé ou dépassé son lit, eh bien, nous vous avons porté sur l'arche. Donc c'est un exemple du mot tahout qui vient de Tourian, qui veut dire la transgression ou de dépasser la limite. Après, le Cheikh dit, وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الْمُدَّعِينَ لِلْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ كُلِّهَا وَهُمْ يَتْرُكُونَ التَّحَاكُمِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى بَعْدِ الطَّوَاغِيثِ. Donc, le Cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé certains parmi les gens qui prétendent croire en tous les livres et qui laissent tomber le jugement selon la révélation du Coran et de la Sunna, et qui prennent certains tawarit comme juge. Et le Cheikh il dit, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ إِلَّا وَقَعَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. C'est un hadith que le Cheikh a mentionné qui dit, tout peuple qui juge par autre que ce que Allah a fait révéler, eh bien ils auront des... Allah va les faire se frapper les uns contre les autres, ou il va leur donner des, il va les faire qu'il y aura des conflits entre les uns entre les autres. Et le Cheikh il dit, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَغْيِيرِ الدُّوَلِ وَنُشُوبِ الْفِتَنِ وَالتَّنَاحُرِ بَيْنَ الشُّعُوبِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِالْكِتَابِ يُوجِبُ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ فَمَنْ ادَّعَى الْإِيمَانَ بِالْكِتَابِ وهو يتحاكم إلى غيره فهو متناقض في دعواه والكتاب لا يتجزأ ويجب تطبيقه كله يجب تطبيقه كله والعمل به كله والعمل تطبيقه تطبيق يجب تطبيقه يجب تطبيقه يجب نعم فيجب تطبيقه كله والعمل به كله في كل المجالات في العقائد والعبادات والمعاملات وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود وفي الآداب والسلوك. Donc le Cheikh il dit que ça c'est le fait que les gens jugent par autre que la charia, la loi d'Allah. C'est une des causes ou une des choses qui fait que les pays changent et que les gens tombent dans toutes sortes de désordres, de discordes, de conflits, de problèmes entre eux. Parce que la foi au Coran implique et oblige de juger par rapport à ce Coran. Et celui qui prétend avoir la foi en le livre, c'est-à-dire en le Coran, et qui juge à autre que le Coran et la Sunna, alors il est en contradiction avec ce qu'il prétend. Parce que le livre, on ne peut pas le diviser ou le séparer en parties. Il nous faut le croire et l'appliquer tout en entier, et l'appliquer en entier dans tous les domaines, que ce soit les croyances, les adorations, les interactions entre les hommes, que ce soit le mariage, le commerce ou d'autres choses de ce genre, le statut personnel, c'est-à-dire les choses qui ont rapport avec la famille, le divorce, le mariage, tous ces autres aspects-là, les crimes, les peines et les bonnes manières et le comportement en général aussi. Après, il mentionne comme exemple des versets que Allah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال تعالى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc les quatre versets qu'il a mentionnés, le premier dit celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, eh bien ceux-là sont les mécréants, sont les kafirouns. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait révéler, alors ceux-là sont les injustes. Et le troisième, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait révéler, ceux-là sont les fatiqoun, c'est-à-dire les pervers ou les corrompus. Et le quatrième verset, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme juge dans tout ce qu'ils ont de discorde ou de dispute entre eux, et qu'ils n'auront trouvé en eux aucune insatisfaction de ce que tu auras décrété, et qu'ils se soumettent d'une soumission totale et entière. » Donc c'est une condition de la foi de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un juge quand on a un conflit ou quoi que ce soit. Et c'est pas dans les affaires religieuses uniquement, mais dans tous les aspects de la vie, que ce soit politique, économique ou autre. Après le cheikh il dit فَنَفَى الْإِيمَانِ نَفْيًا مُؤَكَّدًا بِالْقَسَمِ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع وانشراح صدره وانقياده لحكم الله كما وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق وإن ادعى الإيمان والعدالة والعدل فتبا لقوم استبدلوا كتاب الله بالقوانين الوضعية الطاغوتية وهم يدعون الإيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a nié la foi d'une manière définitive et claire en faisant un serment et en jurant que celui qui n'a pas pris le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les questions de désaccord ou de dispute qui prend pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge et qu'il a le cœur en paix en faisant ça, et qu'il l'a décrit comme si celui qui fait ça, il n'a pas la foi. Et il a décrit celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait révélé, par les trois caractéristiques de coffre, de mécréance, de vol et de fils, d'injustice et de perversité. On va arrêter pour le hasard. Donc on va conclure le darf, il reste deux phrases. Donc le chef il dit, donc il n'a pas la Allah subhanahu wa ta'ala nous a nié leur foi à ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait révéler, même s'ils prétendent avoir la foi et même s'ils prétendent être juste. Et après il dit, malheur à ceux qui ont changé la parole dans le livre d'Allah pour les lois faites par l'être humain, les lois fabriquées par l'être humain, qui sont des lois d'ignorance. Et même s'ils prétendent d'avoir la foi. Donc c'est la fin du sujet de la foi en la révélation ou la foi en les livres. Et ça conclut donc le troisième pilier de la foi.